sur tout le monde. Message sonore. J'avais envie d'essayer, vous ? Non. T'as quoi ? T'as pas envie d'essayer ? Non, j'ai déjà essayé. Ah. T'as déjà... Ah non, non, c'était... Je vous ai demandé si vous vouliez. Ah, ah ouais, tu veux essayer toi ? Non, je fais ça. Allez. Non, non. Je suis sûr que t'as envie. C'est hors de question. Non. Résonance interne du crâne et un peu comme, enfin c'est assez chiadé, ça coûte 20 000 balles et du coup moi je voyais Nour qui à la fin du concert, en fait il est monté sur scène quand il y a tout le monde qui applaudissait, il est monté sur scène et il s'est mis dans la lumière et il a kiffé son moment quoi. La star. T'as des cailloux, chat. Et sauf qu'après, il commençait à bouger, à se rapprocher, à monter sur une chaise. Et là, je me suis dit, attends, je vais quand même aller le descendre parce que justement, il n'était pas très loin. Après, la prochaine étape, c'était un peu de commencer à aller jouer avec la tête binaurale à 20 000 balles sur laquelle il y avait une perruque et tout. B-I-N-A-U-R-L. Oral A-U. B-I-N-A-U-R-L, ouais, c'est ça. C'est vous qui avez cuisiné ? Comment ? C'est vous qui avez cuisiné ? Alors non, non, c'est en bas, c'est à la cuisine. Ça a l'air tellement bon. Ça a l'air bon, hein ? C'est quoi ? Ça, c'est des meringues avec de la double crème et un coulis de framboise. Oh là là ! Incroyable. Passionnant, ouais. Passionnant. C'est passionnant ce qui se passe par ici. La mère décida qu'il fallait une prison. Une prison pour ceux qui ne travaillaient pas trop dur. Une prison pour ceux qui rêvaient. Alors là, il y a des lentilles, il y a des tomates, il y a des champignons, il y a des champignons, des carottes, de l'oignon, de l'ail. Il y a de l'ail aussi. Ouais, il y a de l'ail aussi. Bonjour. Il y a des volets, il y a du vin, il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des oignons. Et du céleri, pomme. Céleri, pomme, ok, ouais. D'accord. Super. Ok. Donc, Je vous fais une assiette témoin. Donc, vous voulez une assiette témoin ? Ouais, avec plaisir. Ouais, avec des pâtes. La grosse classe. La mère décida qu'il fallait une prison. Une prison pour ceux qui ne travaillaient pas trop dur. Une prison pour ceux qui rêvaient. L'architecte dévoila ses plans pour une prison envoûtante. Dans prefer a wheel cut. Hein. OK. Yesterday, I was giving a talk with another performer, composer, Léo Duplex, and we were talking about our work with intonation, just intonation, and how we incorporate the past into the present in our work. And at the end, we were just having a discussion with the people who were there to listen, and somebody asked this beautiful question about what is it that to you is special about performing music that is oriented around history or the past in a festival like Archipel, where it's so contemporary and so connected to what's happening in our world, and you know, and like also now, in, yes, so. What's so special about performing when you're really interacting with history and the past? What's so special about doing that in a place like this, which is very much situated in the present? And at first I didn't know what to say because it was just shockingly beautiful. but it really made me think, and in the moment I said, and I stand by this, which is it's, well, because I am who I am, and I spent most of my, when I'm performing, it's really early music. And some of the time I'm lucky enough to play contemporary music or to improvise or to play in a festival like Archipel, but most of the time it's in the early music scene, which is incredibly different in terms of its atmosphere to something like Archipel. And it's so wonderful to incorporate this interest in the past in a place where we're asking here, in a festival like this, I feel like this festival is implicitly asking how can we confront what is difficult or what is almost undefinable about our past? How can we ask in an artistic way what is challenging about our culture and our relationships with each other and our relationships to the material world and to the environment? And I think to actively bring you know, instruments from the past, for example, or aesthetics from the past into this environment where there's kind of an implicit critical approach, I think is so important. Of the past of the present. The there's a critical approach in just in terms of always asking why are we doing what we're doing, and how is it relevant, and how does this connect to our society, I would say, and also that there is so much diversity in the kind of music that's presented here, and just that juxtaposition of all of these different styles and different histories together, it's kind of creating a new story and a new history. So I don't think there's like one answer to this question, but it made me think, and I think it's something that we can keep talking about. Yes, thanks a lot. Merci, bonne journée. Enjoy the sun. C'était mardi 8 avril. Bisous, bisous, bisous.